tous ceux qui sont dans la vague, lève-toi. Oh ouais, oh ouais. Ici on a du bon pain pour tous les matins. Ouais, ouais. Du panier cul pour tous les culs. Ouais, ouais. Du journal pour tous les scandales. Ouais. Des saucissons parce que c'est bon. Des salles de bain pour prendre un bain. Ouais. Des cartes bleues pour faire un vœu. Ouais, ouais. Des cigarettes pour faire la fête. Okay. Des saucissons parce que c'est bon. Ouais. Des machines pour faire comme en Chine. Ouais. Des bisous pour tous les voyous. Ouais. Des chaussons pour à la maison. Ouais. Et des amis pour les parties. Ah ouais. À nos sœurs, à nos frères et amis du monde entier. Tous en cœur, le poing levé. Des bateaux pour aller sur l'eau, ouais, ouais. Et du pétrole pour qu'on s'affole, ouais, des contrôleurs pour les voleurs, ouais. Des orifices pour que ça glisse, ouais. Des vêtements pour les sentiments, okay. Y'a la batterie pour faire du bruit, ouais. Le Bangladesh quand c'est la dèche, ouais. Y'a les boutiques quand c'est plus chic, ouais, ouais. Du sport pour être encore plus fort, ouais, ouais. Du saucisson parce que c'est bon. Des trains pour voyager plus loin, ouais, ouais. Des amoureux pour être heureux, des ballons pour faire des rebonds, des fusils pour tous les bandits. À nos sœurs, à nos frères et amis du monde entier, tous en cœur, le poing levé. Oh, à nos sœurs, à nos frères et amis du monde entier, tous en cœur, le poing levé. Pour le Mali, ouais, ouais. Des bornes stars pour les dollars, ouais, ouais. Des artistes pour être Tilis, des mécaniciens pour les freins, ouais, ouais. Du saucisson parce que c'est bon, ouais, ouais. Du fromage dans les pâturages, ouais. De l'argent pour l'appartement, ouais, ouais, ouais. Du travail pour faire du bétail, du saucisson parce que c'est bon. Du monde entier, tous en cœur, le poing levé.